génération, on a tous arrêté l'école. Ça traîne au PMU entre le café, le Jersey et 2-3 goals. Ça racole de l'OM et des magazines people. De cette France et cette putain flambée du pétrole. Pouvoir d'achat en déficit, quotidien difficile. Ça recourt à l'illicite, absentif, s'abstenir. On fait du mieux qu'on peut, malgré que les chemins que l'on prend sont parfois un tout petit peu dangereux. Les médias nous poussent à nous méfier de tout ce qui bouge. Pendant que l'État boycotte tous les projets qui riment avec flouze. Les jeunes sont l'avenir de notre pays. Les ignorer seraient gâchés encore plus leur vie. Les médias nous poussent à nous méfier de tout ce qui bouge. Pendant que l'État boycotte tous les projets qui riment avec flouze. Les jeunes sont l'avenir de notre pays. Monsieur Sarkozy, réveillez-vous, le peuple crie. On est le reflet de notre époque. En bien ou en mal, on sème ce que l'on récolte. Peuple français au bord de la révolte. On est le reflet de notre époque. En bien ou en mal, on sème ce que l'on récolte. Peuple français au bord de la révolte. Génération lollipop, les sœurs la jouent haute. Pendant que les frères tombent dans la drogue, on vit par rapport aux autres. Le regard des gens, pour certains, c'est ce qui importe. Le matériel trop nous intox, perturbé parce qu'on n'a pas. Croyant qu'en ayant tout, la vie serait un peu plus hala. Mais qu'est-ce que tu dis là? Tu crois que l'argent résoudrait tous les problèmes? Mais sache que c'est la connerie de l'homme qui a fait bugger le système. Une vie saine, je demande rien de plus que tous les moins. Dans nos comptes, se transforment en plus. So one love, ceux qui savent dur et perdurent dans la droiture. Ils retourneront pas la veste, même si ça devient hyper dur. Je demande rien de plus que tous les moins dans nos comptes se transforment en plus. One love à ceux qui tapent dur et perdu dans la droiture. Ils tourneront pas la veste même si ça devient hyper dur. Ils tourneront pas la veste même si ça devient hyper dur. Hyper dur. On est le reflet de notre époque. En bien ou en mal, on sème ce que l'on récolte. Peuple français au bord de la révolte. Au lieu de se jeter la faute et tomber, c'est les autres. On est le reflet de notre époque. En bien ou en mal, on sème ce que l'on récolte. Peuple français au bord de la révolte. Venez, venez par ici, génération multi-ethnie. On fait tous partie de la même famille, mes amis. Nos différences ne doivent pas faire peur. Black, blanc, beurre, on doit tous être complémentaires. Qu'on soit européen, asiatique ou africain. On est tous pareils parce qu'on est tous des êtres humains. Y'a des gens bien, y'a des gens qui sont moins. Le principal c'est de vivre ensemble et de respecter son prochain. C'est ensemble qu'on bâtira un avenir. C'est ensemble qu'on réussira à s'en sortir. C'est ensemble que la paix sera Inch'Allah à venir. Ensemble, on doit tous être ensemble. C'est ensemble qu'on bâtira un avenir. C'est ensemble qu'on réussira à s'en sortir. C'est ensemble que la paix sera Inch'Allah à venir. Ensemble, on doit tous être ensemble. Yeah. Bienvenue dans notre époque, génération melting pot. On doit tous s'accepter comme on est. Peu importe nos différences, peu importe la couleur de peau. Peu importe la classe sociale, qu'on était à l'école ou pas. On est tous pareils, on a tous au fond de nous-mêmes un cœur qui bat. Mon frère, ma soeur, on est tous pareils. C'est ensemble qu'on bâtira un avenir. C'est ensemble qu'on réussira à s'en sortir. C'est ensemble que la paix sera Inch'Allah à venir. Ensemble, on doit tous être ensemble. On doit tous être ensemble. Yeah, on doit tous être ensemble. On est le reflet de notre époque. En bien ou en mal, on sème ce que l'on récolte.